Lire ou écouter des messages téléphoniques prend peu de temps. Mais je peux certainement trouver un autre endroit où ne sera pas implanté ce panneau qui interdit l'arrêt et le stationnement. De plus, ce panonceau dit clairement que cet emplacement est réservé au GIG, Grand Invalide de Guerre, ou au GIC, Grand Invalide Civil. En général, ces places sont plus larges pour pouvoir déplacer un fauteuil roulant tout autour de la voiture. Réponse B.